veux avancer en ne comptant que sur moi-même sans demander d'aide. Juste ne pas attendre, ça viendra tout naturellement. Avec la rage de vaincre, de détermination, je laisse parler mon cœur et je fonce en analysant, en sachant où je vais sans m'inquiéter. Restant vigilant, je me prépare à commencer cette aventure de la vie, affrontant pleinement le danger en solitaire. C'est bien réel, personne pour de l'aide, mais trop pour tout. Dans la merde, je parle d'autres en solitaire. Mais il est vrai que j'ai quand même besoin de ma princesse, de ses caresses. Et si je t'aime, qu'elle me murmure à l'oreille en solitaire. Aucune allégeance, aucune confiance, surpassant mes souffrances, restant mon amour seulement en solitaire. Sans personne, fier, prêt et déter, je combattrai pour réaliser mes rêves. En solitaire, de personne, je n'attends d'aide. Je suis seul et fier pour affronter la vie. C'est tempête, debout jusqu'au bout, je bouge qu'être fou. Au bout du combat, c'est la victoire qui m'attendra. Grâce à cette rage en solitaire, peut-être que j'ai la haine, mais pas pour la galère, mais plutôt pour le bonheur éternel. En solitaire, j'ai des valeurs, des principes, je veux me plonger dans l'avenir. Je veux voir mon devenir, je veux être une sorte d'arbitre. Un arbitre qui arbitrerait de co-ennemi, le bien et le mal en conflit. Je ne veux être ni à gauche ni à droite, mais du chemin le plus droit. Je veux ce genre de personne qui vit pour illuminer les cœurs meurtris. Je veux devenir quelqu'un de bien, en plongeant dans l'avenir, mes yeux ouverts, la tête haute, le cœur solitaire, en supprimant les obstacles. Voler vers ses souhaits, sa vie et sa destinée. Ce n'est pas les autres qui vont le faire à notre place. On veut quelque chose à nous de bouger pour l'avoir. L'aide des autres est secondaire. D'abord dans nos cœurs, se bouger en solitaire. Ne compter que sur soi-même, toujours déployer ses ailes. En or éternel, jusqu'au bout des rêves. En solitaire, de personne, je n'attends d'aide. Je suis seul et fier pour affronter la vie. C'est tempête, debout jusqu'au bout, je bouge qu'être fou. Au bout du combat, c'est la victoire qui m'attendra. Grâce à cette rage en solitaire, peut-être que j'ai la haine, mais pas pour la galère, mais plutôt pour le bonheur éternel. En solitaire, malgré l'amitié ou le réel amour, nos envies, nos pensées ne sont pas les mêmes pour tous. Nous ne sommes pas pour tout pareil. Malgré autour de toi les gens qui t'aiment, nous avons le cœur en solitaire. Dans la difficulté et les problèmes, même si frères sincères, que famille, père et mère sont là pour te soutenir. À toi seul de vouloir te guérir. Dans la vie on se bat pour atteindre un objectif. On est seul de ce que d'elle on va obtenir. Quand t'es triste ou en déprime, pour directement tout te dire, va chercher tes richesses intérieures plus profondes. Ton cœur en vie au fond de ton être qui meurt. Obligé une partie agira tout en seul, te disant ce que tu désires le plus. Tes moindres secrets, ce qui est caché, que toi seul connais. Seul à toi de trouver intérieurement ta paix. En solitaire, de personne, je n'attends d'aide. Je suis seul et fier pour affronter la vie. C'est tempête, debout jusqu'au bout, je bouge qu'être fou. Au bout du combat, c'est la victoire qui m'attendra. Grâce à cette rage en solitaire, peut-être que j'ai la haine, mais pas pour la galère, mais plutôt pour le bonheur éternel. En solitaire, arbitre, en solitaire.